السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc on va voir avec l'aide d'Allah Azza wa Jal quelques chapitres du livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi. Donc on va commencer par le chapitre numéro 1 qui a à voir avec l'ikhlas, avec la sincérité. Car certes que chaque acte ne pourra pas être accepté que s'il est sincère. Et chaque acte conforme ne pourra pas être accepté que par la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer un culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Lorsqu'il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَةَ. Donc ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَةَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être sincère lorsque l'on adore subhanahu wa ta'ala. Il dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte pur et en étant aussi pur dans la religion, hunafa, ou al-hanif c'est al-ma'il al-shirk, donc hunafa c'est-à-dire le fait de se détourner du shirk. Et ils accomplissent la prière et ils s'acquittent de la zakat. Et voici donc la voie droite. Allah subhanahu wa ta'ala ici mentionne dans le verset que la voie droite c'est le fait d'être sincère dans sa religion. Et il le montre ici avec cela, donc être sincère dans quoi? Dans les actes. C'est pour ça qu'il mentionne ici la salat et la zakat. Enfin, il montre comment on doit faire. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'est-ce que la sincérité, comment on doit être dans l'œuvre, que doit-il avoir dans notre cœur la sincérité et dans quels actes? Donc la prière, la zakat et tous les autres actes aussi. Et aussi, donc le hadith que vous connaissez de Omar ibn Khattab où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-a'malu bin niyat. Innama al-a'malu bin niyat. Wa innama li kulli mri'in ma nawa. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يصيب البروفيت صلى الله عليه وسلم. Donc ici il mentionne un hadith qui est important et qui fait partie donc des hadiths connus que l'on retrouve souvent dans les débuts des livres, que ce soit l'imam Bukhari ou autres. Ils ont souvent donc mentionné ce hadith afin que les gens sachent que tout acte ne vaut que par son intention. Donc innama al-a'mal bi-niyyat, chaque acte. Donc il n'y aura pas la moitié des actes, ou bien 95% des actes, mais chaque chose que tu fais, tu dois avoir donc une bonne intention pour avoir ce matin-là. Et chaque personne aura comme récompense ce qu'elle a comme niya, donc comme sincérité envers Allah ce matin-là. Si tu es sincère envers Allah, tu as la récompense. Si tu n'es pas sincère, n'espère pas de récompense. Tu seras tout simplement fatigué. Et celui dont la hijra, donc l'immigration, est pour Allah et son envoyé, son immigration est donc pour Allah et pour son envoyé. Ici, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répète « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِمَاذَا. Tellement la récompense imaginée elle est énorme, qu'il n'y a pas besoin de citer. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de citer. Lorsque tu dirais, ma femme, si ton enfant sait que tu ne rigoles pas, hein, si tu lui dis fais, tu vas voir. Le fait de voir, tu vas voir, il sait ce que cela veut dire, il sait que cela va amener à beaucoup de choses. Donc c'est en vérité, donc c'est le mot balar. C'est en vérité, non, c'est dans le balar dans la langue arabe. C'est-à-dire par rapport à l'éloquence. Comme quoi, il y a tellement de récompenses que c'est pas en fait qu'on les cite. Le fait de quoi? De faire justement l'immigration pour Allah et pour son envoyé. Et celui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne. Il dit ça à ses compagnons. Il mentionne une fois qu'il est à Médine. Il dit ça aux gens pour montrer qu'il y avait déjà même à cette époque-là des gens qui ont peut-être eu une autre intention. Que l'intention, c'est un travail qui est en vérité perpétuel et continuel. C'est pas l'ania dès que tu rentres dans l'islam ou quoi. Et après tu crois, pense que l'ania est tout le temps. Non, c'est quelque chose qu'il faut en vérité revivifier. Revivifier, c'était la chose la plus difficile à contenir chez les salafs. Il disait que 40 ans, c'était la chose la plus difficile dont ils combattaient, c'était justement d'être sincère. D'être sincère, c'est la chose la plus difficile. C'est pas l'acte en lui-même, c'est en vérité pourquoi tu fais l'acte. Quelle est la raison de ton aide envers ton frère par exemple? Quelle est la raison de ceci? Quelle est la raison de cela? Donc celui qui a émigré pour un bienfait de la vie d'ici-bas, ou qui l'émigre pour une femme afin de se marier, donc il aura donc bien sûr cela comme récompense dans sa région. Il aura cela comme récompense dans sa région. Comme quoi en vérité tout acte en vérité ne vaut que par son attention. Et donc ça nous fait en vérité réfléchir vis-à-vis de lorsqu'on a décidé de partir, de faire la hijra, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Arabie ou autre, en vérité aussi donc de revenir à ce hadith pour savoir pourquoi on part. Est-ce qu'on part réellement pour s'améliorer dans notre religion, ou est-ce qu'on part parce que dans tel et tel endroit, il y a de quoi bien vivre? Donc ça aussi c'est quelque chose, en vérité c'est un point qui reste important. Car réellement le musulman, s'il a décidé de faire la hijra, c'est pour en vérité, c'est pour Allah, c'est pour son envoyé. Donc automatiquement, s'il a décidé de se retrouver du côté de l'akhira, automatiquement il va délaisser les choses de la dunya. C'est automatique. Donc c'est naturel de se retrouver des fois donc, dans une situation qui serait peut-être plus difficile vis-à-vis de d'ici-bas, mais que la récompense, bien sûr, elle reste énorme. La récompense, on va être auprès d'Allah, elle est là et elle reste énorme. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Friwaya. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Zahid » rapporté par les mêmes musulmans. Certes, Allah ne regarde pas vos corps. Il ne regarde pas donc, vos aspects. Mais il regarde ce qu'il y a dans votre cœur, dans vos cœurs et dans vos actes. Donc ici, en vérité, c'est quoi? C'est en vérité le fait d'appuyer sur le fait que la personne elle doit corriger son cœur. Elle va arranger son cœur. C'est pour ça qu'elle regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Donc tu regardes. Donc en vérité, revivifie cette nia. Et une bonne intention lorsque tu fais quelque chose. Car c'est ça qu'Allah je le regarde. Tu vas faire la chose qui va être bien sûr conforme. Mais quelle est l'origine de cette chose-là? C'est justement le fait que tu as envie de faire cette chose-là. Donc fais-la par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-la par crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais-la aussi par espérance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas pour qu'on dise un tel il a fait. Ne fais pas pour qu'on dise un tel que ceci, un tel cela. Là. Mais c'est réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il regarde le cœur. Car c'est le départ. C'est donc le départ de chaque acte qui est fait. Tout émane du cœur. Tout émane du cœur. Donc il faut en vérité islah al-qulub pour cela. Il faut en vérité donc, comme on l'a dit, donc corriger et arranger ce cœur. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc rawa an rabbihi tabaraka wa ta'ala, donc ce hadith qui est donc Qudsi, lorsque inna Allah katab al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalika فمن عمى بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن عمى بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن عمى بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن عمى بها فعمل بها وعملها كتب الله سيئة واحدة حتى rapporté par البخاري المسلم. فالله عز وجل هو الذي كتب الحسنات والسيئات إما في اللوح المحفوظ أو إما يعني لما هو الذي قدر هذه الأشياء يعني كتبها لجميع الناس يعني non par rapport au tafsir de l'ulama, le fait que c'est ou bien dans l'ouh à l'avance ou bien le fait que de dire comme la tira a décrit tout simplement. Donc certes Allah a écrit donc les hasanat et les sayyiat, les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis après, il a montré cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc celui qui a l'attention, Hamma, donc encore une fois, c'est quoi? C'est Al-Qalb. Mahalouhu, Al-Qalb. Hamma, il a pensé. Donc il a voulu, il a eu l'intention. Donc c'est, bien sûr, encore, on revient encore à ce cœur. Il a voulu commettre une bonne, donc faire une bonne action, Hassanah, puis il ne l'a pas faite. Allah subhanahu wa ta'ala donc va lui écrire une hasana kamilatan complète, une bonne action complète, car il a eu l'attention mais il ne l'a pas faite par telle ou telle chose qui l'a empêché de faire. Et si il y pense et qu'il le fait, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui écrire entre eux, il va lui écrire et il va le récompenser entre 10 et 700 hasana. Entre 10 et 700. Donc la différence, elle est énorme. Elle est énorme par rapport à quoi? Elle est énorme selon, bien sûr, ce qu'il y a dans le cœur. Selon la niya. Est-ce que c'est une niya qui est forte? Est-ce que la personne, dès qu'elle a la niya, elle l'a fait tout de suite? Est-ce que la personne, elle l'a fait de la meilleure façon? Est-ce que la personne, elle a créé? Donc en vérité, il y a plein de points. Donc c'est le faire en vérité, en étant sûr de le faire, sans aucun doute. Donc on ne va pas avoir de terreur de doute, par exemple, on le fait, mais... Si c'est un, imaginons que ça serait 20 euros qui sera donné, je le donne, et puis à un moment donné, c'est possible que me survient à l'esprit que, mais si je le donne, mais si je le donne pas, je pourrais acheter cela, mais je le donne quand même. Parce que celui qui les a donnés, alors qu'il espère la récompense d'Allah, il espère le paradis, il espère ces choses-là, il les a donné avec une niyyah différente, hein, plus forte, donc lui, il y aura automatiquement des hasanat qui seront plus de hasanat que celui qui a donné, malgré qu'à l'intérieur, il y a eu donc ce petit doute. Cette chose qui voulait en vérité le faire marche arrière ou l'arrêter de faire cet acte. Donc il y a déjà une différence. Donc c'est de 10 fois 700 fois. Donc 700 par rapport à 10, c'est 70 fois plus. C'est beaucoup, c'est-à-dire que tu peux des fois faire 70 actes et tu n'auras peut-être pas la récompense de, hein, par exemple, imaginons que tu as fait 70 actes qui sont les mêmes actes, 70 fois tu as donné, peut-être que tu as dit hasanat, peut-être que quelqu'un est venu, il a donné une seule fois 20 euros. Là même donc il a donné 70 fois moins, mais il a eu autant de récompenses que toi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qu'il y avait dans la pureté du cœur était différent. En vérité, sa pureté de cœur, elle était en vérité différente que l'autre, par rapport à cela. Donc imaginez-vous, de 10 fois à 700 fois, la différence qu'il y a dans cela. Donc nous, on demande, bien sûr, qu'Allah Zalaï fasse de nous, celui qui arrive en vérité à avoir ces 700 fois-là. Et aussi, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui a pensé à une sayyi'a, à une mauvaise action, mais ne l'a pas faite. Allah lui change. Il a fait, donc cette mauvaise action n'a pas été faite, il s'est arrêté, il a créé Allah, Allah Zalaï lui donne une hasana complète. Mais s'il le fait, Allah lui donne qu'un seul péché. Allah Zalaï donc lui compte une seule sayyi'a, un seul, donc une seule mauvaise action. Donc on voit la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne compter l'acte que mauvais acte qu'une seule fois et de multiplier donc énormément les bonnes actions. Et ça c'est pour nous pousser à coup de hell à faire les bonnes actions. C'est pour nous pousser en vérité à quoi? À faire les bonnes actions. Et Allah Azza wa Jalla a bien dit que Inna rahmati sabaqat ghadabi. Et certes ma miséricorde elle a prévaut sur ma colère. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla donne plus par rapport aux hasanat. Et il châtie moins. Hein, donc on voit que le châtiment il est plus faible ici. Le fait de donner qu'une seule CIA. Car sa miséricorde elle a prévaut en vérité sa colère. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai. Et c'est réel que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala elle a prévaut sa colère. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jalla a donné de la rahma à énormément de gens qui ne l'adorent pas du tout. En bonne santé, en intelligence, en bien. Hein, ils sont heureux d'Akhilihi. Pourtant, ils ne l'obéissent pas du tout. Que si Allah Azza wa Jalla donc avait mis cela équivalent, ou bien si sa colère aurait elle prévalé sa miséricorde, il les aurait directement détruits. Ça là, on voit bien donc la miséricorde dont les coupables profitent de cette miséricorde. Et c'est parce que sa miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, elle a prévaut sa colère. Et son châtiment d'Allah Azza wa Jalla, donc bien sûr, elle sera, bien sûr, donc le jour dernier pour cela. Il peut l'être dans la vie d'ici-bas, mais c'est surtout le jour dernier que cela se passe. Donc c'est un hadith bien sûr qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous voyez un petit peu les intentions des gens. Et aussi parmi les intentions, donc le hadith que vous connaissez, les trois personnes qui se sont réfugiées, donc qui se sont retrouvées dans une grotte, et il y a eu un éboulement. Donc les pierres sont tombées et les rochers en vérité dans le sont tombés et ont coincé, donc ont fermé en vérité, ont obstrué donc, l'entrée de cette grotte. Donc hein, ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت يعني صخرة من الجبل ففسد عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a trois personnes qui étaient auparavant. Donc des peuples auparavant se sont réfugiés dans une grotte et ils sont entrés, donc ils voulaient se reposer dans cette grotte. Ils se sont réfugiés dans cette grotte et une pierre est tombée, un rocher. Donc il a obstrué l'entrée de cette grotte. Et l'un d'entre eux a dit, donc ils ont dit, on ne pourra être sauvé que par le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Par quoi? Donc Bissalam ici, c'est quoi? C'est une intercession. Par l'intercession de vos œuvres pies. Par l'intercession de vos œuvres pies. Car l'intercession, hein, tawassul, c'est imma bi asma illahi husna wa sifatihi al-ula. Donc ou par les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, premièrement. Deuxièmement, ou par les œuvres pies. Ça c'est le dalil. Et troisièmement, ou par une personne pieuse, vivante, capable de faire la chose et présente. Pieuse, vivante, présente, elle a entendu ce que tu as demandé, donc tu lui demandes de faire du rapport pour toi, et elle est capable de le faire. Non. Donc voici en vérité les trois catégories d'intersection qui sont permises devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, donc ici, al-amal as-salih. Et parmi ces types d'intercession, on retrouve justement dans le Fatiha. On retrouve cette intercession où ça? Dans Fatiha al-Kitab. On est en train de dire que Allah Azza wa Jalla qu'on adore. C'est toi hein, que nous adorons et c'est toi dont nous demandons de l'aide. Lorsque tu dis Yakana Aboudou, tu es en train de dire que tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Donc il y a la salat, il y a la zakat, il y a le siyam, il y a le hajj, il y a les autres œuvres. Et après tu demandes à Allah Azza wa Jalla, il y a la salat. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla le meilleur. Parce que tu demandes d'être guidé dans la voie droite. Parce que Fatiha, tu le récites tout le temps. Donc tu es en train de faire cette Fatiha, c'est une dua. Donc là encore, on a Tawassul bil A'mal as-Saliha, Iyyakana A'budu. C'est Tawassul bil A'mal as-Saliha. On a une preuve parmi les preuves. On peut en donner d'autres. Dans Sayyid al-Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, ana 'abduka, ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata't. Abu laka bi ni'matika 'alayka, wa abu bi dhanbi. A'udhu bika min sharri ma sanat, abu laka bi dhanbi, a'udhu bika. Donc ici tu as grandi aussi donc tu vas sortir en vrai, tu vas montrer à Allah Azza wa Jalla que tu es son adorateur. Tu vas utiliser donc une intercession qui est quoi, qui est l'œuvre, et à la fin tu demandes à toi, tu invoques à Allah Azza wa Jalla de ce que tu as demandé. Donc ça c'est en réalité c'est la meilleure façon de demander à Allah Azza wa Jalla de le louer. Après tu vas donc demande, tu vas dire à Allah que tu es son serviteur, que tu fais pour lui, et après tu vas quoi? Tu vas demander à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la meilleure façon de faire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici, donc ils ont bien voulu passer donc, par leurs œuvres pies. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأربك قبلهما أهلا ولا مالا فنادى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقتهما أو أربك قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقطه على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر حتى برق الفجر. Donc l'homme dit, oh Allah, certes j'avais deux parents âgés. Et je ne faisais pas ces personnes, ni les gens, ni les biens avant eux. Donc j'étais occupé un jour et je ne suis pas parti donc chez les voir. jusqu'à ce qu'ils se soient endormis. Donc il a leur vérité, leur donner à manger le soir avant d'aller, avant qu'ils soient dedans. Et à ce moment-là, lorsqu'il est parti, ils ont dormi avant qu'il arrive. Ils ont trouvé en train de dormir. Donc il a détesté de les réveiller. Et il ne faisait pas passer, donc, il a détesté aussi en vérité de donner avant eux, donc de la nourriture, par exemple, à ses enfants et autres. Donc il faisait passer ni sa famille, ni ses biens avant eux. Les biens, donc on peut comprendre les moutures, par exemple, ou autre. Il ne va ne donner à rien, à personne, quoi que ce soit, tant qu'il n'est pas passé par eux d'abord. Donc il a le récipient dans ses mains, et il attend qu'il se réveille, puisqu'en réalité, il est venu le fâche. Donc jusque, est venu, donc ici, le fâche. Donc après ici, donc donc après ils ont bu, donc de ce levain, de ce lait en vérité. Ils ont bu en vérité de ce levain, de ce halib. Et après il dit, Allahumma in kuntu ta'atu zalika ibtira'a wajik, fa farij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra. Mon Seigneur, si réellement j'ai fait ça en espérant ta face, ibtira'a wajik. Il n'a pas fait ça juste parce que c'est les parents. Mais il y a mis la niya pour Allah Azza wa Jal. Il tira un wajib. Donc en espérant ta face. Mais pas juste, c'est naturel, je vais faire, c'est mes parents. Je le fais, c'est mes parents, mais c'est Allah qui me donne, qui m'ordonne de quoi, d'obéir aux parents. C'est Allah qui m'ordonne de ceci, de ça. Ça, c'est. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que ça reste toujours ça, on va être présent dans, justement, dans l'intention. Donc cette intention doit être présente. Donc elle nous. On l'a vu en vérité de ce mal. Vis-à-vis de ce rocher. Fanfarajat Shayan, Layastatihon al-Khurujaminhu. Donc elle s'est décalée, ce rocher s'est décalé, elle ne pouvait toujours pas sortir. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jalla a répondu. Qala al-Akhar, et l'autre a dit, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi, kanat ahabba an-nas ilayya. Donc, oh mon Seigneur, il y avait la fille de mon oncle. C'était celle que j'aimais le plus. La personne que j'aimais le plus, c'était ma cousine. Wa fi riwaya kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rajul an-nisaa. Donc je l'aimais de la plus forte façon qu'un homme puisse aimer une femme. Fa aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni hatta halabt yani biha yani sunnatan min as-sinin fa ja'atni fa 'ataytuha 20 wa 100 dinar. على أن تخلى بيني وبين نفسها فعلت يرحمك الله. Donc je le désirais et bien sûr elle refusait cela. Donc jusque l'ammat bihayani une sainte, donc il y a eu à ce moment-là, donc elle a été touchée par une disette, par la pauvreté, donc il y a eu un moment difficile pour elle, elle avait besoin d'argent et elle est venue me voir parce qu'elle voulait donc de l'argent. Et je lui ai donné 120 dinars afin qu'elle accepte que, donc afin qu'il n'y a pas d'obstacle entre elle et moi. Donc elle a accepté cela. Hatta ida kadabtu alayha, jusqu'au moment où j'ai pu, c'est-à-dire qu'il a, donc il était sur elle, il pouvait avoir position sur elle, donc il pouvait en vérité commettre l'acte. Wa fi riwaya falamma ka'attu bayna rijlayha. Donc lorsque j'étais à Krakamullah, donc entre ses jambes, comme dans la riwaya, Kult qalet ittaqillah, wala tafudda al-khatama illa bihaqihi. Car Allah, donc ne me dévierge pas, car elle était encore vierge, que par mon droit, que par en vérité mon droit. Donc le zawaj al-halal, par le mariage qui en vérité halal. Fatsaraftu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya. Et je me suis sauvé d'elle, donc je l'ai délaissée, je me suis séparé d'elle, alors qu'elle faisait partie des personnes. Elle était celle que j'aimais le plus. Et j'ai laissé l'or que je lui ai laissé, donc la monnaie que je lui avais apportée. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtira'a wajhik, farfuj 'anna ma nahnu fih. Ô mon Seigneur, si réellement j'ai fait cela pour ta face, donc aide-nous, et on va dire dissipe le mal dont nous sommes. Nous subissons actuellement. Encore une fois, donc là, le rocher s'est décalé, mais toujours ils ne pouvaient pas sortir par rapport à cela. Donc, hatta, on voit ici dans cette qissa, le fait de délaisser un mal pour Allah, c'est aussi en vérité un moyen de demander à Allah Azza wa Jalla de t'aider. C'est pas juste le fait de faire un bien, la salih, Et mais ceci est le fait de quoi? De délaisser un mal. Car il a voulu faire quelque chose de haram, il a délaissé de quel le dicra Allah. Il a eu peur de cela, donc le nom d'Allah Azzal, il l'a fait frémir, et il s'est sauvé de cela. Il s'est sauvé. Il a même laissé une grosse somme. 120 dinars, c'est pas une petite somme. Donc on sait que c'est des sommes à cette époque-là. Il n'y avait pas besoin de grand-chose pour pouvoir acheter. À l'époque, 120 dinars, c'est une somme. Il laisse des sous. Et il part, car il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle le rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vu que rien de faire, une mu'minine. En vérité, le rappel, en vérité, il est profitable au croyant. Lorsqu'elle l'a rappelé, il s'est sauvé. Il s'est sauvé de cela. Donc même l'œuvre qui est mal, que tu délaisses, donc tu es récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a vu dans le hadith qu'auparavant, qu'il y aura une hasana. Et en plus, Allah Azzawajal, si tu demandes à Allah Azzawajal juste après ça, donc dans tes invocations, et que tu rappelles cela, donc Allah Azzawajal t'exauce ta dua. Exauce ta dua. Wa qala al-thalithu, le troisième a dit, Allahumma inni istajaltu ujura fa'ataytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin. Taraka alladhi lahu wa zahaban fasamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Donc ici, il dit, oh mon Dieu, certes j'avais des ouvriers chez moi. Et j'aurais donné leur part, donc leur paye, sauf une personne qui a délaissé, donc ça paye chez moi. Et j'ai fructifié cette paye, donc c'est bien, jusqu'à ce qu'on a été, il a eu énormément de biens. Fadja'ani ba'dakhin faqal, il est venu après moi, il a dit, Ya Abdallah, addi ilayya ajri, rends-moi donc ma paye. Donne-moi donc ma récompense, c'est-à-dire le fruit de mon travail. Par contre, kullu ma tara min ajrik. Tout ce que tu vois, c'est en réalité c'est ta paye. Min al-ibil wa al-baqar wa al-ghanam wa al-raqiq. Donc il avait donc des chameaux, des ovins, des bovins. Donc il avait des vaches, il avait des moutons, il a khili. Il dit ya Abdallah, la testehzeibi. Oh, serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Parce que lui, il sait ce qu'il a travaillé, il connaît la récompense. Et là, en vérité, c'est bien plus que ce qu'il demande à l'origine. Kultu la astahzi'u bik. Il lui a dit, je ne me moque pas de toi. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu shay'a. Donc il a tout pris. Donc il a tout pris, il a tout récupéré, il n'a rien laissé. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtira'a wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Donc, oh Allah, si réellement j'ai fait ça pour ta face, donc aide-nous, sommes-nous de ce que de là où nous sommes actuellement. Et la pierre, donc le rocher s'est détaché, il est encore une fois s'est décalé, et ils sont sortis en marchant. Et là on voit dans la presse ça, que si tu as l'argent des gens, et que tu travailles avec, hein, tu lui as pris. Il t'a laissé 1000 euros en gage, il te les a laissés chez toi, il est parti en vacances, il t'a dit garde mes sous, tu les prends, tu les travailles, et bien tu lui laisses sa part. Tu ne les travailles pas, tu dis moi je garde le reste, c'est moi qui ai tout fait le travail. Tu lui donnes en réalité de sa part, tu ne lui laisses pas, tu ne peux pas te permettre en réalité de faire travailler ses sous, et toi tu gardes tout le bénéfice, et lui ne garde rien. Donc il doit en réalité être le profiteur de cette, parce que c'est son argent d'origine, par rapport à cela. Donc on a vu généralement, vis-à-vis de la niya. Voyez un petit peu la niya, ce qu'elle apporte. Vous voyez là, en réalité, ce que le cœur apporte comme bienfait. Hein, des récompenses qui vont jusqu'à 700 fois. Le fait qu'Allah Azzawajal amène quoi? À des miracles, hein, à des prodiges. Parce que pour qu'une pierre bouge, hein, si c'est pas bien Azzawajal, on voit que ça fait partie des prodiges, c'est pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui amène en réalité à ces prodiges? Si c'est pas en réalité l'intention qui est pure, l'intention qui est forte. Donc on voit ici un autre chapitre qui est Bab al-Tawba, le chapitre du repentir. Les ulama ont dit al-Tawba wajibatun min kulli dhanb. Fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abd wa bayna Allah ta'ala la tata'allaq bi haqq al-adami, falaha thalathatu shurut. Les ulama ont dit que le repentir est obligatoire pour chaque péché. Et si le péché est donc un péché qui est entre toi et ton Seigneur, donc en ce moment-là, donc il requiert trois conditions. Là, ça touche sur l'autre. Trois conditions. Ahaduha, an yuqli'a an al-ma'siyah. Premièrement, qu'il délaisse le péché, le délaissement de ce péché. Wa thani, an yandama 'ala fi'liha. Qu'il regrette ce qu'il a fait. Qu'il regrette ce péché-là. Donc il est en vérité dans son cœur, en vérité, le regret, hein, et le dégoût de justement de ce péché. Qu'il mette donc la ferme intention qu'il ne revienne pas à ce péché. Donc c'est pas en vérité momentané. Si donc une des trois conditions n'est pas requise dans cette taouba, donc la taouba n'est pas réelle, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas véridique, elle ne sera pas véridique. وإن كانت المعصية تتعلق بأدمي فشروطها أربعة. S'il y a ici dans ce péché donc un humain, une personne, donc c'est pas entre toi et moi, mais c'est entre toi et une personne. En ce moment-là, il y a quatre conditions. Ça ne s'arrête pas à trois, mais quatre. Donc, les trois qu'on a vu auparavant. Donc, en réalité, donc, qui, bien sûr, qu'il demande pardon, par exemple, à la personne, ou qu'il s'innocente vis-à-vis de la personne de cela. Dans le sens où, si c'est de l'argent, de la monnaie ou autre, ou des biens, qu'il lui rende. Si, bien sûr, la personne. Donc il lui rend. Ou directement en face, si ça ne va pas faire d'histoire, si on sait que ça risque de faire des histoires, qu'il la rende même sans que la personne sache que c'est lui qui a fait ça. Et qu'il rende le bien. On n'est pas obligé que ce soit en vérité en face. Parce qu'il est possible que des fois la personne, même si ça fait des années, je t'ai volé ça alors que je ne faisais pas la prière. Maintenant, alhamdoulilah, je fais la prière, donc je fais taouba, je te rends ce que je te dois. Il est possible que la personne en face va le détester à cause de cela. Parce que la personne n'aura pas compris en vérité les vrais choses de taouba. Elle doit normalement accepter. Donc c'est du passé, hein, et l'islam elle vient effacer tout ce qu'il y a eu auparavant. Donc normalement elle accepte. Mais des fois les gens ils peuvent en vérité avoir après quelque chose dans leur cœur. Donc si on connaît la personne et qu'on sait qu'elle serait susceptible d'avoir quelque chose dans le cœur, donc on fait passer par quelqu'un d'autre. Ou on met dans sa boîte aux lettres, il a khiri. On lui rend. De toute façon on lui rend. فَإِنْ كَانَتْ حَدَّ يَنِ قَدْفِ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ إِنْ كَانَتْ يَنِ غِيبَةً. Donc bien sûr, s'il a parlé sur lui, il a menti sur lui, hein, il a fait donc du riba, donc de la médisance, de la calomnie, quoi que ce soit, avec le hal, alors, ou lui demande pardon, ou s'il a parlé sur lui devant une assise, devant deux, trois personnes, puis devant les mêmes personnes, il dit du bien, il change. Donc il a dit, auparavant, il a dit du mal, il voit les mêmes personnes, hein, envers qui. C'est-à-dire que les personnes, là où il a parlé à ces personnes contre lui, donc il va voir ces personnes-là, il dit à ces personnes-là, en vérité, donc j'ai dit du mal, mais en vérité, cette personne-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, il dit du bien de cette personne-là. Voyagez-vous, Aïnatoub, Amin Djamal, Zulu. Donc il est obligatoire, bien sûr, pour lui, de se repentir de chaque péché. Farintab, Amin Badiha, Sahet Taubatou. Aïda Ahil Haqi, Min Zalit Al-Dam. Donc si la personne aurait commis 5 péchés, par exemple. Et qu'il se repent de 4, ou de 3, ou de 2, ou d'un, mais soit le repentir est accepté. Même si c'est obligatoire de se repentir de tout. Car chaque péché est quoi? Est à part. En vérité, c'est moustakhil. C'est dissocié. C'est pas ensemble. Chaque péché, en vérité, quoi, est différent. Donc chaque taouba pour chaque péché. Donc il lui restera sur le dos, bien sûr, donc le reste. Et on a des preuves, donc à partir du Coran, de la Sunna et du consensus, que la Tawbah est obligatoire. Allah Azza wa Jalla dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous à Allah tous ensemble, aux croyants, en espérant que vous aurez la réussite. Allah Azza wa Jalla ici mentionne les croyants. Car le croyant, il commet des péchés. Même le croyant commet des péchés. Et le vrai croyant, c'est celui qui sait qu'il commet des péchés, qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui. Donc c'est pour ça que innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Certes, les croyants, lorsque on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Car ils savent qu'ils ont commis des péchés et leur cœur frémisse. Ça leur fait peur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers Allah azza wa jalla. Leur cœur frémisse, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils commettent des péchés. Ils le savent très bien. L'Azal dit aussi, Istaghfiru Rabbakum thumma tubu ilayhi. Demandez pardon à Allah Azzawajal et repentez-vous vers lui. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Oh, ceux qui ont cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Allah a mis encore une fois mentionné qui ? Les croyants. Il mentionne les croyants. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعني في اليوم أكثر من 70 مرة في الحديث الذي رواه البخاري. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, par Allah, certes, je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. أكثر من 70 مرة في اليوم. Donc quoi? Plus de 70 fois par jour. Donc l'istighfar, c'est en vérité un zikr qui doit être en vérité perpétuel dans la bouche, qui doit être en vérité dit réellement dans la bouche. Souvent. Dans une variante, il dit فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Il n'est pas mis dans une autre variante, donc 100 fois par jour. 100 fois par jour. Et là, je l'aime énormément en vérité ceux qui se repentent auprès de lui. Allahu aflahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi al-ard falat. Muttafaqun alayhi. Certes, Allah est encore plus heureux du repentir de son serviteur, donc que l'un d'entre vous en vérité tomberait de sa monture et le laisserait dans une terre déserte. Dans une terre déserte. Il le laisse loin et tu te retrouves seul. C'est lorsque la monture revient. Avec tes vivres, la monture du jour elle-même, plus les vivres, tu es content, tu revois la vie. Donc là, tu te dis, ça y est, je vais mourir. Et là, tu revois la vie. Allah Azza est encore plus content que cela. Wa'wa al-Rafour al-Wadud, Allah Azza le dit. Et il est le pardonneur, mais celui qui aime beaucoup. Et le Wud, c'est un degré supérieur que le Hub dans l'amour. C'est pour ça qu'Allah dit Wa'wa al-Rafour al-Wadud. Pourquoi Allah il a associé ces deux attributs? Pourquoi Allah il a associé ces deux noms-là? Car parce qu'il aime énormément ceux qui se repentent. Wa'wa al-Rafour al-Wadud. Il aime ceux qui se sentent en vérité repentis. Donc celui qui se repent, la zan balahu, il n'a plus de péché. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler du péché de quelqu'un qui l'a fait, d'après s'il a commis il y a plusieurs mois, s'il a commis X temps. S'il est remis auprès d'Allah Azza wa Jalla, Allah l'aime beaucoup, toi, tu n'as plus rien à dire. C'est pour ça que parmi les choses de recommander le bien et de réprouver le mal, c'est de le faire sur le coup, sur le moment. Trop tard, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il a sûrement fait ta et tu ne peux pas revenir dessus. Comment tu vas critiquer quelqu'un dont Allah Azza wa Jalla aime énormément? Donc il faut faire attention en vérité à cela. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le muslim, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi al nahar. Wa yabsutu yadahu bil nahar liyatuba musi al layl. Hatta tatla'u shamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit certes, Allah Azza wa Jalla donc, élargit, tend sa main la nuit, afin que se repente celui qui a donc commis des péchés pendant la journée. Et il tend sa main la nuit, la journée, pour celui qui a commis des péchés la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lèvera, donc du Maghreb, hein, donc de l'Orient. Donc jusqu'à ce qu'il se lèvera enfin plutôt de l'Occident. Qu'il se lèvera après de l'Occident. Donc voyez un peu. Occident, l'Orient. Je suis perdu là. Hein, l'Occident. Donc voyez, Allah Azza wa Jalla, donc la porte du repentir, elle est 24 sur 24. Il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de moment précis. Jour et nuit, tout le temps. Allah Azza wa Jalla, donc, a laissé cette porte ouverte jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour où tu verras arrêter le soleil se lever du Maghreb. Alors que normalement, il se lève du Mashraq. Il se lève en vérité donc de l'Orient, il ne se lève pas d'Occident. Donc voyez un petit peu cela. Et aussi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc ça, c'est parmi les conditions d'Ataouba. C'est par rapport au temps. Par rapport au temps, les conditions d'Ataouba, c'est que tu fasses Ataouba avant en vérité que le soleil se lève en vérité au Maghreb. Donc certes. Donc, celui qui demande pardon à Allah, qui se repent auprès d'Allah, avant que le chef se lève du Maghreb, Allah va donc bien sûr accepter son repentir. Accepter son repentir. Quelle est parmi les conditions qui ont attrait, pas à la Tawba en elle-même, mais à la personne, parce que là, il y a ce qui a attrait à l'acte, et il y a ce qui a attrait au moment, comme on l'a vu, donc le chef, et il y a ce qui a attrait aussi à la personne. Et si c'est Inna Allah Azza wa Jal yakbalu tawbat al-abd ma lam yughar. Donc certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant que quoi que l'âme en vérité ne sort pas de sa gorge. L'âme yughar. Donc le bruit qu'il y a lorsque la personne meurt. Il y a un bruit qui sort. Et ça, c'est le ghar, le fait qu'en vérité que en roche. Hein, tahrujou min jism, min sen. Donc on a dit que l'Orof, on a dit que cette âme, on va dire elle va sortir, hein, donc du djism, de l'insan. Il reste un an. Il est 10 heures. Il est 10 heures par an. Donc ce hadith, un des hadiths que vous connaissez, qui a été rapporté par Malik Musilan al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, à l'Innabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tes'atan wa tes'fina nafsa. » Il y avait donc parmi ceux qui étaient avant vous, un homme qui avait tué 99 personnes. « Fasa'ala a'lam ahli al-ardi fadulla ala rahib. » Il a questionné qui est le plus savant sur cette terre, et on lui a dit, donc, ce curé, en vérité, hein, et cet adorateur, donc une personne qui adore, un ascète, « Fa'atahu faqal, innahu qatala tis'atan wa tis'an nafsa, fa'allahu min tawbah, faqala la qataltahu, faqatalahu, faqammala bihim ya'atan, thumma sa'ala an a'lami ahli l'ard, fa'dulla ala rajulin alimin, faqala. » Donc là, je vais traduire, pour pas que ce soit trop long. Donc, ils m'ont montré ce curé, et il lui a dit, donc, il a tué 99 personnes. Est-ce que j'ai droit à la taouba? Est-ce que j'ai droit au repentir? Il a dit non. Abid, lakin jahil. C'est un abid, mais c'est un jahil. La takfil ibada bidun ilm. L'adoration, va être sans sens, elle ne sert à rien. Elle n'est pas suffisante. Regardez. Il adore beaucoup, à sa façon, bien sûr, mais en réalité, il ne connaît pas. Car il ne connaît pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit Allah, il ne va pas te pardonner. Ah là là. Donc lui, il a reçu une mauvaise réponse, il a tué. Il a donc terminé la compétition avec lui. Et il a encore demandé, est-ce qu'il y a un savant? Donc on voit les gens, ils ne savent pas la différence. Ah ouais, mais ils ne savent pas. Ils l'ont envoyé vers lui. Donc il l'a envoyé vers une personne en vérité qui n'a pas de science. Donc c'est pas en vérité, il faut savoir à qui demander, qui sont les gens de science. C'est pas au premier venu de dire c'est lui, lui est une personne de science. Il faut que ce soit des gens qui connaissent la science pour savoir si réellement, qui sont en vérité les gens de science. Il ramène chez un savant, il lui a dit qu'il a tué 100 personnes cette fois-ci. Il les a comptés, subhanallah. Il sait qu'il a tué 100 personnes, 99, 100, il le sait. Faqala naam, afwan. Il a dit oui. Et qui va en vérité donc se permettre de s'opposer et de barrer la route entre Allah et entre lui et bien sûr le repentir d'Allah ce matin. Qui peut se permettre de cela? Tellement la miséricorde d'Allah Azzajal, elle est au-dessus de chaque chose. Elle est au-dessus de tout. Donc personne en vérité ne peut désespérer de la miséricorde d'Allah Azzajal. Et ceux qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah Azzajal, ils sont devenus quoi? Al-Khawarij. Qanitou min rahmatillah Azzajal. Ils ont été désespérés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc ils voient que chaque musulman qui commet des péchés, c'est plus un musulman, c'est un kafir. Et si c'est un kafir, donc après, il descend sur lui toutes les lois, et il faut descendre sur le kafir en temps de guerre. Même pas en temps de paix. En temps de guerre, et après ils font, et encore, et plus encore. C'est pas toutes les lois. C'est bien plus que cela, parce qu'en réalité, ils n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal. Ainsi que, aussi, Al-Mu'tazila, Ashab al-Wa'id, ce qu'on appelle donc les gens de la menace. Que ce soit Al-Khawarij ou bien Al-Mu'tazila, les gens de la menace. Eux, ils voient que celui qui commet un grand péché, donc il est donc le sur saint kafir, même s'il sera, donc comme ils disent, un Manzila, Baina, Manzilatayn. Même si en réalité, mais pour eux, c'est la même chose. Il n'est ni kafir ni croyant, mais fil akhira, il est quand même finnar Khalid Fiha. Donc en réalité, c'est le même principe, que, c'est le même résultat que le Khalid. Et ça, donc c'est eux qui ont en réalité désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, des gens aussi commettent des péchés. Il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Shaitan insuffle et pousse à cela, et qu'est-ce qu'il vient après? Il quitte la religion. Il arrête la prière, il arrête ceci. parce qu'il commet des péchés en même temps qu'il adore Allah Azzawajal, et il a oublié que la miséricorde d'Allah Azzawajal est bien, bien, bien au-dessus de ce que lui fait, de ce que lui en aurait été fait. Donc, l'alim, bien sûr, il va lui montrer. Dans son tariq, il a ardin kada wa kada. Ou il a ardi kada wa kada. Va vers telle terre. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَعْبُدُوا اللَّهَ مَعَهُمْ. Car il y a là-bas donc des gens qui adorent Allah Ta'ala et adorent Allah Azzawajal avec eux. Al-Hijra, de partir en vérité de la terre où il a l'habitude de commettre ses péchés vers un endroit où il a les gens bien. Donc يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُودُوا مَا السَّدِقِينَ مَا السَّدِقِينَ. Donc en vérité, مَا السَّدِقِينَ عَفْوَان. Donc, ceux qui ont cru, craignez Allah et soyez en vérité avec les gens qui sont véridiques. C'est ça qu'il est demandé, de rester en vérité avec les gens pieux. Parce que la personne pieuse, c'est elle qui va te pousser à faire le bien. Et aussi, ne laisse pas Shaitan t'avoir. Quand je suis avec les. Quand je suis là-bas, j'adore pas trop. Dès que je suis avec des gens bien, j'adore plus. Comme si j'étais un hypocrite là. Là, il ne faut pas en vérité laisser Shaitan t'avoir. Reste, si tu es avec des gens bien, c'est parce que bien sûr que ça va automatiquement ça va te pousser à faire du bien. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie, c'est naturel. C'est naturel en vérité de retrouver avec des gens bien de faire les meilleures choses. Donc ça c'est quelque chose en vérité qui est normal et qui est naturel. Donc de partir, d'adorer Allah Azzawajal avec ces gens-là. Voilà, tarji ila ardika fa innaha ardu su. Et il ne revient pas vers ta terre d'origine, car c'est une mauvaise terre. Là peut-être que dans cette terre-là, il y a peut-être beaucoup de brigands. Il y a beaucoup de gens qui font du mal. S'il y en a tué 100, c'est peut-être pas le seul. Hein, il y a peut-être après, c'est peut-être un mauvais quartier, c'est une mauvaise ville, il y a énormément de mauvaises choses, c'est une mauvaise terre. Si c'était une terre où tout le monde était pieux, il y avait lui qui faisait du mal, on ne l'aurait pas appelé mauvaise terre. Une mauvaise terre, car les gens sont mauvais. C'est quoi une bonne terre? C'est la terre parce que les gens sont bons. Mais une mauvaise terre, c'est parce que les gens ils sont mauvais. C'est ça. Donc il y a non seulement lui, mais en plus les gens qui sont autour de lui. Et ils vont peut-être le pousser à ça. Peut-être qu'il est possible que dans les 100 personnes qu'il a tuées, il a peut-être fait plusieurs meurtres en réunion. On peut aussi après imaginer des choses. Qu'en vérité, il y a une mauvaise influence. Qu'il y a une mauvaise influence. Et ça, c'est sûr. Mais il est là que, bien sûr, il y a une mauvaise influence, peut-être que c'est une mauvaise terre. Une mauvaise terre, comme on a dit, c'est parce qu'il y a de mauvaises gens. C'est parce qu'il y a de mauvaises personnes. Lorsqu'il arrive au milieu de la route, au milieu du chemin, lui est survenu la mort. Et les anges de la miséricorde ainsi que les anges du châtiment se sont disputés pour lui. Qui va le prendre? Qui va prendre cette âme? فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَتِّينَ مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى. Les anges de la miséricorde ont dit, il est venu, جَاءَ تَتِّينَ, qu'il est venu en réalité, enfin, جَاءَ تَعِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى. Donc il est venu se repentant, et en ayant un cœur qui va vers Allah Ta'ala, وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ. Et les anges de du châtiment ont dit, il n'a jamais œuvré, donc il n'a jamais fait quelque chose de bien. Il n'a jamais fait un bon acte. Jamais. Donc il a dit, إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ. Jamais. فَأَتَاهُمْ فِي سُورَةِ أَدَمِ فَجَعَلُهُ بَيْنَهُمْ أَيُّ حَكِيمًا فَقَالَ. Donc, est venu quelqu'un avec l'image d'un homme, et ils l'ont pris, maintenant quelqu'un est venu à l'apparence d'un homme, et ils l'ont pris comme juge entre eux. Fakal, sirkum bayna al-ardaini, fa illa ayyihima kanat anna fahuwa lahu. Donc il a dit, qisu ma bayna al-ardaini, fa illa ayyihima. Donc plutôt mesurer donc les deux terres. Mesurer les deux terres. Et voyez lui de laquelle il est le plus proche. Peut-être là-bas c'est 19 km. Là-bas c'est 18. Là c'est un exemple. Faqasu fawajadu adna ila al-ardi allati arada. Donc ils ont bien sûr mesuré, et ils ont vu qu'il était en réalité plus proche de la terre qu'ils voulaient. Faqabadatu malaikatu rahma. Et ce sont les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Donc ils ont pris en vérité son âme et qui l'ont ramené donc, vers la miséricorde dans la spatale. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh. Les anges, regardez, se sont disputés pour lui. Ça c'est que les anges, ce ne sont pas des robots. ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne commettent pas de péché, mais ils pensent. Ils ont en réalité la capacité de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils ont des opinions. Et l'on dit à Allah Azzajal, Attaj'alu fiha, et yufsidu fiha, wa yasfiqu ad-dima. Ils ont dit ça à Allah Azzajal. Est-ce que tu vas passer sur cette terre, donc celui qui va commettre le sang, qui va commettre la turbite sur la terre, et qui va répandre le sang? Car ils ont en réalité cette capacité de quoi? De réfléchir, de penser à la khili, de pouvoir en réalité avoir des opinions. Non. Mais tout simplement, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez un peu ce hadith qui est illustre et qui montre en réalité la niya de la personne. Elle avait une bonne niya de partir vers les gens du bien. Et Allah donc lui a pardonné, malgré quoi, l'énormité. Tu es 100 personnes, c'est pas n'importe quoi. Tu es une personne, déjà c'est grave. On sait que normalement, on connaît son châtiment. Alors imaginez-vous le fait de tuer 100 personnes. Allah Azzajal, il place le fait de tuer, donc on retrouve dans le Coran souvent, c'est quoi? Avec le shirk. Allah Azzajal, lorsqu'il parle du meurtre, il le met en association avec le shirk à chaque fois. À chaque fois, on voit donc le shirk et après le meurtre. Non. Tellement en vérité, c'est le péché le plus grave après le shirk, par rapport au fait de faire du mal aux gens. C'est le plus grave péché. C'est pour ça que c'est la première chose dont les gens vont être jugés, c'est fit d'imam, il y en a pris un Mathieu. Fit d'imam. Les gens vont dire, mais il y a un hadith qui parle par rapport au sang, par rapport à la prière. La première chose dont on va être jugé les jours derniers, c'est la prière. Et il y a un hadith qui est la première chose dont on va être jugé les jours derniers, c'est le sang. Fit d'imam. En réalité, ça c'est par rapport aux actes qui sont entre toi et Allah, c'est-à-dire la prière, et par rapport à ce que tu fais entre toi et la personne, ça c'est le sang. Donc il y a deux types d'actes. Il y a les actes qui sont entre toi et Allah, et il y a les actes qui sont entre toi et les gens. Donc tu vas tuer quelqu'un, ça c'est entre toi et les gens. Donc c'est la première catégorie d'actes hein, qui sont entre toi et les gens, donc tu vas être là-dedans, la personne va être jugée. Il n'y a pas en réalité de contradiction entre les deux hadiths, mais simplement c'est deux catégories tout simplement. Donc on l'a vu de façon générale par rapport à la taouba. Il y aura aussi donc un chapitre important qui est de la patience. Allah dit, Ya yuhalladina amanu, isbiru wa sabiru. Pour ceux qui ont cru, patientez en réalité aussi. Recommandez-vous la patience. Et bien plutôt, forcez-vous à patienter. Forcez-vous en réalité à patienter. Patientez aussi et donc mettez en réalité le paquet pour que vous patientez. Allah Azzawajal nous demande énormément de patienter. Wa yunabluakum bi shay'in min al-khawf wal jou'. Nous allons vous éprouver dans quelques peurs, quelques faims, le fait de vous reprendre vos biens, vos âmes hein, et vos produits, donc vos fruits, et annonce la bonne patience, annonce la bonne nouvelle aux patients, annonce la bonne nouvelle aux patients. Alors ça nous touche par la peur. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir donc des difficultés, des moments où ça fait peur. La fin, le fait qu'Allah va nous diminuer nos biens, il va nous prendre un de nos enfants, il va aussi des fois donc faire que donc les champs, donc le blé ou autre n'a pas poussé. Toutes ces choses-là, tout ce mars, ça peut brûler, ça a poussé mais c'est rentré dans la grange, tout a brûlé, par exemple. Hein? Et après c'est quoi? Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc il faut en vérité dire « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun » Il faut en réalité demander, donc plutôt revenir vers Allah Azza wa Jalla, tout simplement. Et puis Allah dit aussi, certes, il donne aux patients, donc il va donner énormément aux patients leur récompense sans compter. Il va donner largement aux patients leur récompense sans compter. Et ça, ce verset est venu pour le ciel. Il est venu pour ciel, même s'il est en réalité pour tous, toute la patience. Il est général pour tout. Il est venu pour le jeune, spécifique pour le jeune, mais il est général pour tout ce qui a à voir avec la patience. Tout ce qui a trait à la patience. Mais réchissel, voyez un peu la récompense de la patience. Il n'y a pas de chissel. C'est Allah Azzawajal donne comme il le veut. Donc c'est bien que c'est comme ça dans le jeune. Allah Azzawajal, le jeune il est pour Allah, mais il le donne comme il le veut. Il récompense comme il le veut. Waliman sabra wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Et pour celui qui patiente et demande pardon, et qui pardonne, donc celui qui patiente, qui pardonne, certes, cela en réalité, c'est justement pour ceux qui en réalité aiment faire les choses en réalité de la meilleure façon, dans le sens, ils ont les meilleurs liens. Ils le font vraiment avec une conviction qui est forte. Il a esmé la gros mot. Quand lorsqu'on entend pour la esmé de leur rasoul, ce sont les meilleurs envoyés. Ceux qui ont en réalité, l'azima, l'autre, Ibrahim, Moussa, Isa, Mohamed, alayhim salatu wassalam, ce sont eux, ou l'Azim ibn Rasoul, ce sont eux, ceux qui ont patienté, ils ont enduré, ils ont patienté et ils ont vaincu. Ils ont enduré, ils ont patienté et en plus ils ont vaincu. Donc voilà, donc celui qui patiente et qui pardonne. Qu'est-ce qu'il y a? Donc en réalité, ce sont vraiment en vérité les gens qui sont bien. Ce sont en vérité les gens qui sont vraiment en vérité forts. Wasta'inu bi sabri wa salah. Inna Allah ma'a sabirin. Et donc demandez le quête à Allah Azza wa Jal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pourquoi Allah dit ça dans le même verset? Parce qu'il faut cette isti'ana, il faut cette demande d'aide à Allah Azza wa Jal pour pouvoir adorer. C'est facile. C'est plus facile en réalité de commettre des péchés que d'adorer. Ça là, là. Parce que tu te laisses aller par tes. Mais d'adorer, c'est, il faut faire des efforts. Il faut se lever matin tôt. Il faut faire. Il faut patienter. Donc ça demande, quoi ça demande justement, donc, les sirènes, il est à Zagel, le peuple qui demande et de l'aide à Zagel, et de patienter dans cela. Et puis après, Zagel, il s'abécite ici, bien, il s'est arrivé au bestand de votre sang. Donc demandez de l'aide à Zagel pour que vous soyez patient, et que vous que soyez aussi ceux qui savent prier comme il le faut. Demandez de l'aide à Zagel. Et une normale à Sabedin. Et celui qui a cela comme qualité, Allah est avec lui. Et ça, c'est une manière khassa. C'est vrai qu'Allah Zalit, il est proche de lui. Allah va l'aider. Il va l'aider dans toutes ses affaires. Il y a énormément de versets à Al-Hayl qui mentionnent la patience. Le Al-Hayl qui est rapporté par Malik Al-Haylif ibn Asim Al-Ash'ari, toujours, rapporte que le prophète, c'est ce qu'on a dit dans le tombeau, Chantre l'Iman. La pureté, c'est la moitié de la foi. C'est une partie de la foi. Alhamdulillah, tamla'u al-mizan. Louange à Allah, remplit la balance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla commence par Alhamdulillah dans Al-Fatiha. Car il est loué dans tout ce que tu retrouves dans Al-Fatiha. Alhamdulillah, ala kulli maja fi fatiha al-kitab. C'est pour ça qu'Allah commence par Al-Fatiha. Par Alhamdulillah. Qu'il est le Seigneur des mondes. Qu'il est lui Allah. Qu'il est Rahman Rahim. Il a créé tout ce que tu trouves dans Al-Fatiha. Donc il est Alhamdulillah. Il est le loué, en vrai, même dans tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah, awwala wa akhira. Au début, il est loué, au début, il y a la fin. Wa subhanallah, wa alhamdulillah, tamla'ani, ou tamla'a ma bayna samawati wal ard. Donc le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, vont remplir ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ce sont des paroles, les paroles les plus préférées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quatre paroles qui sont préférées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez le Coran, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut partie du Coran comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais subhanallah, c'est le fait d'exempter Allah Azza wa Jalla de l'innocenté subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Si tu as dit subhanallah, c'est qu'en réalité c'est pas pour rentrer dans les détails. Tout les, Allah est exempt de tout défaut. Et alhamdulillah, tu as loué Allah, tu l'as pas en réalité, tu l'as glorifié, tu l'as honoré, donc tu lui as donné toutes les qualités. C'est pour ça qu'on dit Nous sabbihu bihamdik. Pourquoi? C'est lié. Nous sabbihu bihamdik. On glorifie ta louange. Car non seulement on t'exempte de défauts, mais en plus on fait automatiquement le contraire. On te loue et on cite en réalité tes corps, donc toutes tes qualités. C'est lié. Le fait de t'exempter de défauts et de mentionner toutes tes qualités dans l'art de et le hamd va englober toutes les qualités possibles dans l'art de et tesbih, ou tardis, tout cela en vérité va croire, va englober tout ce qui pourrait amener à défaut à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit nous sabbih bihamdi. Fasabih bihamdi rabbika. Fasabih bihamdi rabbika. Ce qui est en vérité par rapport à cela. Tu as en vérité mentionné Allah Azza wa Jal de la meilleure façon. Tu as en réalité mentionné Allah Azza wa Jal de la meilleure façon. Alors comment on ne veut pas que cela en réalité soit des récompenses qui sont entre les cieux et la terre? Ça remplit tout le rêve qu'il pourra avoir entre les cieux et la terre. C'est des hasanet, tout cela, ce sont des grandes hasanet. Wassalatu nur. Et la prière, c'est une lumière. Et en entraînant, on le verra. C'est une lumière. Dans la vie d'ici bas, ça commence déjà ici. Wassalatu burhan. Et l'aumône, c'est quoi? C'est justement donc, une preuve. C'est une preuve en vérité. La personne a compris en vérité la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a compris qu'est-ce que la baraka. Il donne fisabilillah. C'est pas il reçoit, il dit alhamdulillah ala iman, il donne beaucoup, et il donne jamais. Là, il donne. Le salaf, lorsqu'il recevait, il savait que c'était un ibtila, il savait que c'était l'épreuve de la part d'Allah Azza wa Jalla, donc ils n'avaient pas regardé ça entre les mains. Pour eux, ils savaient que ça c'était donc, contre eux, quand ils le gardent. Pourquoi t'as regardé? Ils gardent. Ben allez, je regarde, mais on construit. C'est pas grave, c'est normal. Là, tu l'entends quand même. Et on ne se dit pas, je ne peux pas vous donner parce que je veux construire. Tu construis et tu donnes. Mais tu ne dis pas, je construis, je ne donne pas. Parce que quand tu as construit, au bout de 10, 15, 20 ans, donc tu as été 20 ans à Rabat, tu as été pendant 20 ans quelqu'un qui n'a jamais donné, tu sais quand est-ce que tu vas mourir. Pourquoi tu n'as pas donné? Parce que je veux construire. Ça, c'est pas bon, c'est pas un argument que d'avoir ce matin. Chaque jour, deux anges descendent chez l'un d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, tous les jours. Et c'est pour ça que là-bas, ils disent que c'est une ibada yaomi, hein. C'est une adoration journalière. On leur garantit, les coulis, hein, mon fertin, hein, khalafa. On garantit le coulis, mon sikrit, talafa. Allah donne à celui qui donne, donc une récompense, quelque chose qui va venir après, quelque chose donné, qui l'aidera après. Et donne à celui qui garde, tous les jours, les anges, j'ai dit ça. C'est pas Jumu'ah, c'est pas faire Ramadan, c'est pas faire Hajj, c'est tous les jours. Donne à celui qui donne, donc une récompense, quelque chose de mieux après. Et donne à celui qui retient, quelque chose de mauvais. Et après, il se retrouve avec des procès, il se retrouve avec des peines bizarres. Il se retrouve, pourquoi? Parce qu'en réalité, il est devenu là-bas. Et des fois, c'est des sommes qui lui font qu'il disparaisse. Imaginez-vous s'il y avait en réalité, il n'était pas comme ça. Allah Azza wa Jalla aurait mis barak dans ses biens. On ne va pas lui donner beaucoup spécialement, bien qu'il mène un peu, et qu'il protège ton pécule par le coup que tu as donné pour que tu aies la barak. C'est une protection pour toi en réalité. Non seulement tu as loué Allah Azza wa Jalla, mais en plus tu as protégé en réalité ce qu'il y a. Tu as purifié et protégé ce qu'il y a. Tous les jours les anges disent ça. Donc c'est considéré comme une ibada yaumiya, adoration journalière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: qui de vous a donné en aumône? Qui de vous a jeûné ce jour? Qui de vous a suivi le cortège funèbre, hein? Qui de vous s'est levé en tant que jeune? Avant ce jour, Abou Bakr al-Sadiq l'a dit: moi. Il a donné. Il a suivi le cortège funèbre. Il est parti visiter un malade. Il a cheminé dans tout cela. Il a donné l'argent. Il a fait tout cela. Il s'est levé en état de jeûne. Quatre choses avant ce jour. N'est-ce pas la baraka du temps, ça? Pour que tu as déjà fait quatre choses comme ça en rentrant avant ce jour. Si ça c'est pas la baraka, alors c'est quoi? Donc vous voyez, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui a eu le plus de baraka. Regardez comment elle est. Imaginez-vous un petit peu. Donc vous voyez, la sadaqa n'est pas pour Allah Azza wa Jalla, il mentionne énormément la sadaqa par rapport à la rachma. Souvent quand on voit le verset où la tutur hamun, on retrouve la sadaqa dans la zakat, la sadaqa. En fait, vous recevez la miséricorde d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un peu. Mais tu n'oublies pas cela. Il ne faut pas penser qu'en réalité tu gardes et pour que tu sois plus riche. Donne un peu, même un peu. Fais ce que tu veux faire avec dans ta vie. Il n'y a pas de problème, tu vas penser pour tes enfants. Mais pense à dire le contraire. Mais tu donnes quand même. Protège-toi. Et donne souvent. Même si c'est un peu. Et si Allah Azza, tu verras ce qu'il va faire de toi. Tu verras ce que Allah sur l'intérieur va faire de toi. Je donne des exemples. Des exemples, après, il y en a déjà chez les plus prédécesseurs. Des exemples vivants maintenant. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait le Hajj là, ils connaissent. Le restaurant qui s'appelle El Beik. C'est des brosses, hein, vous connaissez un peu la viande qui est. El Beik, les gens ils connaissent, de façon générale. Ils vont en France, il faut qu'ils goûtent. Cet homme-là, il a commencé avec une petite gargote, un petit truc de rien du tout. Shawarma, un truc qui tourne, un truc qui tourne. Alors, ça ne l'a pas mis de faire. Hein. Il a piqué de l'argent là, construit une mosquée. Petit à petit. Il ne fait que construire des mosquées. Alors, ça lui a permis d'ouvrir sans arrêter. Mais il n'oublie jamais de quoi? De construire la mosquée. De construire, construire. Par une idée. Donc là-bas. Là où il peut. Il y a une personne, aussi, il avait donc un magasin, ou quelques magasins, des supérettes. Donc c'est pas des. Hein, c'est pas des petits magasins, c'est, vous voyez, des supérettes. Et on lui a dit, tu vends des cigarettes et tu vends des revues, avec des photos de femmes et d'affaires. Les revues, c'est des chanteuses maquillées, ceci, cela. Donc ça, c'est interdit. Il n'a pas dit je vais couler mon stock et après j'arrête. Tout de suite, il a dit tout de suite, il a donné l'ordre directement, tout de suite de retirer tout ça de ses magasins. Alors Azalou, il avait baraka, il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a le baraka. Les gens ils vont dans ce magasin et ils sont attirés. Pourquoi ils sont attirés? Voilà qu'il y a plein d'autres magasins, d'autres enseignes qui ont les mêmes choses que lui. D'accord, ça c'est la baraka d'Allah sur l'intérieur. N'est-ce pas? C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a attiré? C'est pas la baraka d'Allah. Il a oublié Allah Azza wa Jalla, il a créé Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé. Voyez un petit peu. D'accord? Qui t'a perdu des sous? Je jette ces sous qui sont haram, mais Allah Azza wa Jalla, il va oublier de donner khayran minha. C'est Allah qui dit, infiq li abdallah, wa fiqou alayk. C'est Allah qui nous dit, donne hein, au serviteur d'Allah, je te donnerai. Si c'était le maire de la ville qui dit dépense à la fête du match de l'homme, on croit tout de suite qu'on n'aurait pas peur. Je te fais garant, je te signe maintenant, je te signe le papier comme quoi que tu vas. Allah il nous le dit, hein, celui qui a le trésor le plus sûr, et pourtant qu'est-ce qu'on fait quand on passe à côté? On passe à côté en réalité des choses qui sont très importantes, qui ne sont pas. C'est pas un audin. Voilà que c'est pas un audin. C'est en réalité très important. C'est pas une belle qu'on doit fermer. C'est pas, il y a énormément de crédits dessus. Il y a par contre qu'il y a énormément d'élèves dessus, du Coran et de la Sunna, hein, que ça veut dire, c'est une preuve que le sujet est très important. Il n'y en a pas qu'un des délits, il y en a énormément. Et après, par sabrou dia, par rapport à là, donc toujours au hadith, par sabrou dia, donc la patience, c'est en vérité, donc cette lumière aussi, hein, en vérité, c'est la patience éclaire la personne. Donc c'est bien que la patience amène le ta'ali, amène le hilm, le fait que la personne soit patiente, alors qu'elle croit, elle devient en vérité posée, hein, elle est sage. N'est-ce pas que Nabi sallam il a bien deux compagnons? Certes, il y a en toi deux qualités, dont Allah aime, c'est justement le fait d'être doux et le fait d'être patient. Parce que les gens sont venus, ils ont dû revoir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Il est parti, il a été entendu, il est parti faire ses ablutions, il est venu doucement, il est venu rapporter les gens au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la façon la plus douce. Et Nabi sallam a dit, certes, il y a en toi deux qualités dont Allah aime. Donc la patience, ça va être amen. T'éduques, en réalité, elle va t'éduquer. Et bien justement, donc ça c'est lumière pour toi. Va prendre un, Hujjatun, Nakam ou Alek. Le Coran c'est une preuve contre pour toi ou contre toi. Est-ce que tu l'as compris? C'est pas juste est-ce que tu as pris par cœur, là. C'est est-ce que tu as compris et tu vas en pratique. Est-ce que tu as compris et tu vas en pratique. Comme faisait en réalité le compagnon du prophète, lorsqu'il s'arrêtait à diverser, et qu'il comprenne, il cherche à savoir ce que l'essence, et après il met en pratique. Et ainsi de suite. Parce que c'est une éducation. Celui qui part prendre jeune par cœur, alhamdulillah, tant mieux. Mais à côté de cela, on lui dit, ne l'arrête pas à cela. On lui demande de quoi? De rentrer dans le tafsir. On lui demande de rentrer maintenant dans les explications et d'affiler. Il faut qu'il soit en réalité, maintenant qu'il profite de cela. Donc c'est une preuve pour toi, mais contre toi. Donc, comme nous naissons, l'yardou, fa'bay, ou nassahou, fa'mortikoha, a'obobekoha, a'obobekoha, muslim. Chaque personne en réalité se lève, donc dans la journée, ou en réalité, il a vendu son âme, c'est-à-dire en réalité son âme, elle est comme si elle était en vente. Ou il a racheté, ou il a vendu. Ou il a fait du bien avec, il a fait du bien donc il s'est racheté en réalité. C'est comme si en réalité ton âme, elle était en vente. Parce qu'elle va aller ou en paradis ou en enfer. Hein, donc c'est ça. Alors, ou tu t'es racheté par les bonnes actions, ou en réalité tu as vendu cette âme, hein, à cause justement du fait de ne pas avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, donc, Nesmin al-Ansar, Sahalou, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les gens de l'Ansar, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné. Il leur a donné. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais refusé. Tout ce qu'il t'a donné, il n'a jamais refusé, il a toujours donné. Donné. Ça ne l'importe peu. Ça, ce qu'il reste pour rien. Il donnait, lui, sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'on n'est pas capable de faire ça. Mais on peut l'imiter, ne serait-ce que même par un don. Au moins, tu te rapproches de lui. Un don mieux que zéro. De non mieux qu'un, il a créé. Summa, ça a le groupe par rapport. Il lui a encore demandé, il a le randonné. Jusqu'à ce que tout ce qu'il a repris de lui a un peu disparu, il n'a plus rien. Ça s'est terminé, il n'a plus rien. Quand la lagoum, il n'a un paracoul de chez Yadiri, une fois qu'il leur a tout donné, une fois qu'il avait curé dans ses mains, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mayakoun, il chérit falan, abdakhila ou alkoun. Tout bien que j'ai, jamais, jamais. Donc jamais, ni maintenant, ni dans l'avenir, je le crois, je le rate, je le garderai sans vous le donner. Hein, le fait de le garder, de l'économiser, de le stocker, sans que je vous le donne. Bon, mais yastafif, yuhif par Allah. Bon, mais yastarni, yurni Allah. Donc il dit, celui en réalité qui ne demande pas yastafif, il est pauvre. Hein, à fond, ça veut dire en réalité que tu en as besoin, mais tu ne demandes pas. Allah Azzawajal, justement, il va l'aider. Donc il va en train de lui, il va pas devenir riche. Et la même chose, dans celui qui se passe, alors il ne va pas devenir quelqu'un qui arrive à se passer des choses. Il va le rendre riche. Riche de caractère, en réalité. Donc riche de bon caractère. Hein? Nous sommes bien au roi, Allah. Celui qui cherche la patience, Allah, il va l'aider, il va le faire patienter. Personne ne reçoit donc un don meilleur et plus large que la patience. Voici en réalité les qualités dont le musulman doit avoir. Donc je vais juste. On a terminé par rapport au hadith. Juste par rapport au sabr. Si Allah Azza wa Jalla a fait de toi quelqu'un qui a bonne santé, ne demande pas Allah Azza wa Jalla. Donc demande à Allah Azza wa Jalla en réalité elle infirme. Parce que ça, c'est souvent, on demande à l'Arzel, ça c'est quand? C'est lorsqu'on a reçu une épreuve. Donc il ne faut pas demander à l'Arzel, alors demande la patience. Est-ce que tu veux une épreuve pour que tu patientes? Demande plutôt à l'Arzel, quoi, elle affirme. Lorsque tout va bien, demande à l'Arzel, elle affirme. Que l'Arzel te protège et qu'il te laisse comme cela. Mais demande pas à l'Arzel de la patience. La patience, on la demande une fois qu'on est affligé. Tu la demandes avant qu'on affligé. Tu peux demander à l'Azajel, c'est-à-dire vis-à-vis de la patience, vis-à-vis des tilaïs, vis-à-vis en réalité des épreuves. Mais vis-à-vis de l'adoration, tu demandes à l'Azajel de quoi? De t'aider à patienter, à continuer à l'adorer. Voyez un petit peu la nuance entre les deux choses. Donc voilà, barakallahu fikoum, subhanallah wa bihamdika, ashhadu anna ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.